Salut à toi, gros con. Salut à toi, petit bâtard. Salut à toi, grosse merde. Salut à toi, grosse débilité. Salut à toi, humanité. Salut à toi, espèce de taré. C'est Nuisance, Nuisance, cette émission qui nuit au sens, cette émission du punk français et de toute son excellence. Salut à toi, mec. Salut à toi, le Chateaubon. Salut à toi, peuple canac. Salut à toi, Tchécoslovaque. Salut à tous les dragons. Salut à toi, qui est que bon. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le peuple bac. Salut à toi, qui est au violon. Salut à toi, les morocons. Salut à toi, le Yougoslave. Salut à toi, le voyou slave. Salut à toi, le Salvador. Salut à toi, le Monodoy. Salut à toi, le Chinois. Salut à toi, le Zaïrois. Salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, les Imodites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corps, salut aux filles du Crédit, salut à toi la Vachiri, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes les Vertigones, salut aussi à Young Rider, salut à toi le Vizniec, migrant, scène 7. Au salon de la clôture. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette... Nous proposons des vastes gammes de migrants, comme vous avez pu le constater, la période... Soyez les bienvenus à cette... Regardez cette horreur à la frontière gréco-macédonienne. C'est ça l'Europe. C'est ça nos valeurs esthétiques. C'est ça l'image. We'll be right back. je veux bien pas de bière et juste de l'eau tiède. Canal Sud, c'est la radio que vous écoutez à ce moment-là. Et vous savez, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de tous les non-sens, eh bien c'est l'émission que vous êtes en train d'écouter actuellement, là, tout de suite, là. Vous le savez, ça? Non? Eh bien maintenant, vous savez, Canal c'est trop tard. Vous savez tout. Thank you. Canal Sud. C'est Nuisance. L'émission de tous les non-sens. Vous écoutez Canal Sud. Canal Sud. C'est Nuisance. C'est Nuisance. C'est Nuisance. L'émission de tous les non-sens. L'émission de tous les non-sens. Canal Sud. Sud. C'est Nuisance. C'est Nuisance. C'est Nuisance. C'est Nuisance. Sud. L'émission de Canal Sud. Il était une fois. Petit bonhomme et petite bonne fille. Un loup, méchant, qui traînait rôdé au fond du fossé. Et ce loup méchant sentait mauvais, comme la viande dont il se nourrissait. Eh bien, ce loup était triste, car à part manger, il n'avait aucun plaisir dans la vie. Alors un jour, il a inventé son plaisir. Il a dit merde. Manger, il n'avait aucun plaisir de manger. Alors un jour, merde. Alors un jour, il a un plaisir. Merde. Il a dit merde. Il a dit merde. Il a mangé. Il n'avait aucun plaisir de manger. Merde. Merde. Il a un plaisir. Merde. Merde. Merde. Il a dit merde. Il n'avait aucun plaisir de manger. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde, merde, merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, Puissance, merde. Merde. Puissance, dit merde. Sur Canal Sud. Thank you. Je préférerais avoir mes règles que de boire une bière. Eh ben moi j'ai mes règles et je bois une bière. Ouais, bah justement, je préférerais toi, tu vois, tout de suite là. Ouais. Je préférerais avoir mes règles. Moi j'ai mes règles et je bois une bière. Ouais, bah justement, ouais, bah justement, je préférerais toi, tu vois, ouais. Plutôt crever. Crever, là, c'est purulent. Crevez. Crevez qu'il est l'abcès purulent. Purulentiel. Pestilentiellement. Merde. Merde. Merde. Crevez l'abcès purulent. Tu veux bien rincer mon cochon, s'il te plaît, pour moi ? J'ai une 16 à aller acheter. 64 fois. Et aujourd'hui, c'était pas hier, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, voyons, c'est pas le moment. C'est jamais le moment avec toi. Toujours mal à la tête. Ou tu dois te laver les cheveux, j'en ai marre. C'est quand que tu payes ta dope ? Ouais, c'est pas le moment. Paye ta dope. Paye ton dopage. Paye. Paye-le. Allez, vas-y, paye. Paye ton dopage. Paye ton dopage. Paye ta dope. Paye ta dope. Paye ta dope. Ton dopage. Ton dopage. Éradiquer les deux, bien avant tout. Éradiquez-nous vous tous, bien avant tous, nous vous, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ? Vous, tu sais. Avant tout. N'importe quoi ce que tu dis. Éradiquez-nous tous, bien avant tous, bien avant tous, nous vous, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ? Vous ortisez-vous, tu sais. N'importe quoi ce que tu dis. Allez, teaser, c'est l'exorcisme. Tu vois ce que je veux dire ? Vous ortisez-vous, tu sais. I'm teasing. Strap teasing. I'm teasing. Strap this tease. Strap teasing. Merde, j'ai laissé tourner pendant des heures et vous devez vraiment vous demander mais c'est qui cette personne qui déblatère des âneries sans jamais s'arrêter sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. Nuisance. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance. Nuisance, c'est une émission qui vive la France. Grave, ça vive la France même, bien beaucoup. La France même vive, quoi, que nuisance, ça continue, bien, vive. Tu sais, la brioche, plutôt manger de la brioche que de manger des croissants morts. Hein, les nains, là, les dés sont jetés, allez à Jacques à Est. Oui, le sort en est jeté.

fission atomique qui m'atteint dans le cerveau de ma pensée pure. Please don't shut up. Oh, je vais continuer à parler car tu me le demandes et je ne vais rien dire absolument rien à part du commentaire sur le commentaire. N'arrête, je commente surtout mon propre pas commentaire. De ne merde. Pas parler pour dire. Commentaire sur. Ah, hey, je... Arrête mon propre. Et... Pas de pas parler comment pour nuisance. Rien. Viens ici. Allez, attaque, Nuisance. Vas-y, vas-y, attaque. Jugulaire. Sur... Quoi? Jugulaire. Non, sur... non, je galère pas, non. De pas parler comment pour. Je suis aisé. Je suis bien aisé. Attaque. Ah, tu peux pas dire ça. Quoi? Attaque. Non. Tu peux pas dire ça. Pas, non. La nuisance. Je suis. Tu peux pas dire ça. Le cirque. Le circassien. Un aisé. Le cirque a des joints à fumer à sien. Attaque. À chien, merde. Jugulaire. Pas, non. Deux. La deux, nuisance. Trois, quatre fois même. Ça. Cinq fois six. 30 plus 5, ça fait 35 moins 2, 33. 33, l'âge du schiste. Pas, non. Deux, la deux, nuisance. 3, 4 fois même. Ça. L'âge du schiste. 30 plus l'âge du fist. 33, 33 l'âge du schiste. L'âge du vieux chibre tout mou. Et des loges qui pendent. L'âge du fist. 33, 33, 33 ans. L'âge de tout qui pend. L'âge du vieux chibre tout mou. Et des loges qui pendent. Les fesses du fist. 33, les bras. 33, 33 ballants. Le nez qui pend et qui coule. Les oreilles fendues et grosses avec des poils dessus. Du fist. Pas de cheveux. Au nom du poil du fist. Et du cul qui pue la merde. 33 ans. Les oreilles merde. C'est l'âge de Jésus. Ah, de Jésus quand il est mort. Merde, merde. On est tous foutus. À poil. Foutus. À poil. C'est l'âge de Jésus. Ah, de Jésus quand il est mort. Merde. À poil. On est tous foutus. À je poil. Préfère l'âge du schiste. Foutus. 32 ans et demi. À poil. C'est l'âge de Jésus. Laft. Laft ton laft. À poil. Wash your laft. Wash your laughter. Take your laughter, rub it inside, take the soap and it smells like a flower. It smells wash like a flower. Yourself. Wash your sperm wash on my fucker. Little take titty your bank. Rub it. Wash yourself. I'm a piggy like piggy a wiggly. Stinky fucker. Piggly wiggly. Oh yes. Your sperm how can you say this? Fucker. Nous n'avons encore rien dit. You're so clean. Nous n'avons encore rien dit. So nous n'avons. Fresh. Nous n'avons. Dirty. Nous n'avons excité personne en disant rien comme ça. On se fait chier, merde. Tout le monde bouge pas. J'en ai rien à foutre. Personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très bien. Ou mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Je Nicky préfère là. Encore... Rien à foutre. Personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très bien. Ou mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Nicky je préfère là. Encore... Rien à je foutre. Tourne en... Personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très bien. Ou mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Nicky je préfère là. Encore... Rien à je foutre. En... Personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très je bien. Tourne en mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Je préfère là. Encore... Rien je à foutre. En... Personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très je bien. Je tourne en mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Je tourne en je préfère là. Encore... Rien je à foutre. En... Personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très je bien. Je tourne en mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Je tourne en je préfère là. Encore... Rien je à tourne foutre. En personne. Ça ne répond pas à ce que tu disais. Nick. Et je le sais très je bien. Je tourne en mélange. Je n'ai encore rien compris à rien. Je tourne en je préfère là. Encore... Rien je tourne à en foutre. Personne. Je tourne en... C'est... Je tourne en... Je tourne en carré, moi. Depuis quelques années. Je tourne en rond à me demander. Toujours la même chose. Elle est où? Il est où? À ne pas me morfondre. Faut-il que je cherche? Pendant vais-je que trouver. Je me morfonds pas. Je ne gêne pas non plus je en tourne me en rond. Et tourner en rond, c'est la révolution. Carré. Pourquoi pas? Comme un œuf. There's no way out of nowhere. Mords-moi le 9, 10 même. Dis-moi. Mords-moi le 12. Pourquoi pas? As-tu déjà vu? There's no way out of nowhere. As-tu déjà vu? Je tourne en. 10 même. L'as-tu déjà vu? Elle saigne. Elle saigne. There's no way. Tu veux la voir? Elle saigne. Tu veux la voir? Elle saigne. Ah oui. Les loges qui pendent. Les couilles velues. Autour de tes carrés qui saignent. La merde. Elle saigne. Tu veux la voir? Elle saigne. Autour de les loges qui pendent. Les couilles velues. Autour de mes oreilles poilues, je dépends de la merde, ton je te saigne. Tu veux la voir, elle saigne. Je t'en parle. Les loges qui pendent, j'ai la barrière. Autour de mes oreilles poilues, pendant que je ne me morfonds pas, je te saigne. Tu veux la voir, elle. Non, il pue. Elle est où? Il pue, mes oreilles poilues. Où elle est? dans mon cul. Ouais, ouais. Elle pue dans notre cul. Où est la merde de notre cul. Elle demeure dans notre cul. Oh sacré merde. Sacrée nomenclature dorée, merde. Où elle est sans elle, elle est. Oh merde. Où elle est sans elle, elle est. Oh merde. Où elle est où. Oh merde. Mais où est-elle? La ragazza della mozzarella, si. Oh merde. Où elle est, elle est où. Oh merde. Mais où est-elle? La ragazza della mozzarella, si. Oh merde. Ce qui signifie à peu près. La ragazza della mozzarella. Vive le fascisme. Oh merde. Ce qui signifie à peu près. Le fascisme sec. La ragazza della mozzarella. Oh merde. Ce qui signifie à peu près. Le fascisme sec. La ragazza della. Dis-moi où elle est, elle est où. Dis-moi où elle est, où elle est. Fascisme sec. Dis-moi où elle est, elle est. Dis-moi où elle est, où elle est. Je tourne sec. Dis-moi où elle est, elle est. Dis-moi où elle est, où elle est. Je tourne sec. Dis-moi où elle est. Dis-moi où elle est, où elle est. Je tourne sec. There's no way out of nowhere. There's no way out of nowhere. Out of nowhere, there's no way. There's no way out of nowhere. Out of nowhere is a way. I don't know where in the womb. I don't know the way to nowhere. There is no way out of nowhere. When there is no way to nowhere, where is the way to know? I don't know where the way is to nowhere. Je tourne en rond. C'est le drame. Oh, maman. Où elle est où? Je tourne en rond depuis que je tourne en rond. Je tourne en rond depuis. Je tourne en rond depuis. Que je sais plus aller où. Je sais plus. Je tourne en rond, c'est plus aller. I'm the best beast around, that's for sure way to be. Je tourne en rond depuis. I'm the best beast around, that's for sure way to be. I'm the best beast around, that's for sure way to be. I'm the best beast around, and that's for sure. Je tourne en rond depuis. I'm the best. Je sais plus. I'm the best. I'm the best beast around. That's for sure way to be. Je tourne en rond. There's no way out of nowhere. Je tourne en rond depuis. There's no time like no time. Je tourne en rond depuis. There's no way out of nowhere. Je tourne en rond depuis. Le carré, there's no time like no time. Je tourne en rond. Le carré, je tourne en rond. Nothing is forever. No thing is forever. Yeah, it is. Lâchez prise. It's forever, man. Je voudrais une vie jolie. Je voudrais une maison aussi, mais bon, on va pas tout avoir non plus. Quoi. Au bord de la mer. Ascrash. There's no way out of nowhere. Ascrash. Ça casse les pieds, cette mer. Je tourne en rond depuis. Deux. Ваша Лёша думает о хорошей. Ну? Я помню. Чудное давнее передо мной. Я явилась ты, как мимолетное видение. Как чудное гений чистой красоты. I'm the best, best around, that's for sure to be. I'm the best, best around, that's for sure to be. I'm a piece of shit. I'm eating je a piece of shit just right now. Je mange la merde. Eva, je voudrais une vie jolie. Je mange de la grosse merde toute la je journée. Je voudrais une mort jolie. Je I'm the best, best around, that's for sure to be. Je mange. Yo, I'm the best, best around, that's for sure. L'agneau marocain. Je mange du pain. No way, je mange de la merde. Je mange du pain, je mange du fromage. Oh. Je mange du vin. Oh. Je mange de la bière. Oh. La bière me mange. Oh. Le vin m'a mangé. Oh. La merde me fait chier. Every broken like a wire spreading its every so here goes the dying hair green for like hair for every day I'm hanging hanging. The dead woman's rooms need flying in the rain. What a shitty feeling. Day I'm hanging dead. Full of shit again. On the side of the I'm rope. I'm really a stink. The dead wing flies me. I'm full of my pain. That's which permits death. Me a pain in the ass, and I don't care, it's true. Put your hands on I'm singing in the shame. Dying like fucking I'm fucking in the rain. Put your hands up. In the rain. I'm shitting in my pain, and my chain is on my head. Put your hands up in my ears. I'm fucking my mother dead, while my father is killing himself with a knife. Merci beaucoup. Or bust. It's hell. Merci beaucoup. Hell. Hell. Merci beaucoup. Hell. Hell. Put your hands up. Hell. Hell. I'm the best best around. That's for sure we to be. Yo, yo. I'm the best best around. That's for sure we to be. Best best around. That's for sure we to be. Where have you gone? Yo, yo. I'm the best best around, and that's for sure we to be. It's none of my business, but I don't care. Yo, yo, j'en ai rien à foutre. Around, and that's for sure. Je n'en ai rien à foutre. Put your hands up. I'm the best best around, and that's for sure we to be. J'en ai carre le fion avec du beurre. J'en ai rien à foutre. Put your hands up. Je n'en ai rien à foutre. You've been mugged. J'en ai carre le fion avec du Where have you gone? C'est pour ça que je suis le patron, j'en ai rien à foutre. So here goes to dying. And that's that dying like fucking lonely ointment. Where have you gone? Stylish. It's that dying like fucking lonely ointment. Where have you gone? Broken like a wire. Yo, yo. Yo, yo. Spreading fucking lonely ointment. Where have you gone? I'm the best best around, and that's for sure we the beat. Yo, yo. Spreading fucking lonely ointment. Where have you gone? I'm the best I'm going nowhere. That's for sure we the beat. Where are you? Depuis je tourne en rond. Spreading fucking lonely. Turning, turning around, and what goes around comes around. Where are you? To the K, A to the motherfucking Z. Turning, turning around, and what goes around? Shit goes down. What ready. Goes around shit goes down ready. What hill. Shit goes down. Shit goes down. Are you ready? It's raining shit. Shit goes down. Yo man, it's raining shit. You ready? Shit's raining in the fan. I'm a big fan of the shit raining in the fan. The shit hit the fan. I'm a big fan of it. It's no fun. Not funny. You're all full of shit. It's what? No fun at all. I'm full of food. No fun at all. I got food. No fun. It's no fun. Festival. She hits the fan. Yo, no she hits the fan. No fun. Where no I got my shotgun. Festival. I got my shotgun ready tell to bust him off. You need to know that. No fun. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia, on n'est pas des beurs. On est des blancs et des français, on est bien fiers de l'être. On n'a rien à foutre des malgaches et des sales nègres. Oui, la France est un beau pays. Napoléon c'était un grand gars. Et moi j'ai une moustache comme un gaulois. J'en ai rien à foutre, c'est pour ça que je suis le patron. Oui. Les boules. On s'était un grand gars. Et malgache. Comme un gaulois. Pas trop. J'en ai rien à foutre. Foutre, malgache. Foutre. C'est pour ça que je suis patron, je n'ai rien à foutre. T'en foutre. Foutre de toi, espèce d'exploité de merde. Ferme ta gueule, enculé. Oui, bien sûr, on peut peut-être envisager la solution suivante de vous accorder peut-être une rémunération plus importante. Va te faire enculer. Ferme ta tueur de mouche. Ferme ta grande gueule, patron de merde. Et crève. Crève ton abcès purulent, ton cerveau de merde qui pue la merde et la pisse. Chianterie. Tu es la chianterie de ma vie. Patron, crève. Crève, tu es l'abcès de la terre. Le fric, c'est toi. Tu es de la merde. Brûle-toi par les pieds. Brûle-toi par les pieds. Et mets-toi le cul à l'air. Smoke the hab. Qu'on puisse te tisonner, tu vois ce que je veux dire, tisonner. Ha ha ha ha. T'isoler même, connard. Connasse de patron de merde. Patronne à chier. Je vous encule. Tu vois ce que je veux dire, tisonner. Ha ha ha ha. T'isoler même, connard. Patron de merde. Je nous encule de merde. S'enculer, c'est bon. Je vous encule. Moi je m'encule. Le fric, c'est bon. J'aime bien. J'en ai rien à m'enculer. Je nous encule. Qu'est-ce que tu veux que ça m'encule ? S'enculer, c'est bon. Foutre. Le fric, c'est bon. Le fric, c'est bon. J'aime bien. J'en ai rien à m'enculer. Le bic, c'est front. La bite, c'est front. Le bic, c'est front. La bite, c'est dans le front qu'on l'a. Hein, les gars ? On a les couilles dans les yeux. Frotte. On a la bite dans le nez et les couilles dans les yeux, tu sais. On voit que dalle, on voit que baiser, c'est tout ce qu'on a envie de faire, de procréer, de se multiplier pour faire des virus un peu plus virulents que les nôtres. Il avait la bite dans les yeux. Et tout ça, pourquoi ? Pour le fric. Il avait les couilles sur le fric. Le fric. Pourquoi ? Le fric. Le fric. Pour le fric, c'était un vrai... Le fric, par le fric et pour le fric. En tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles, le fric. Amen, le fric. Le fric, le fric, le fric, le fric, le fric, par le fric, par le fric, amen, le fric, honneur et toute gloire, alléluia, alléluia, tout bien, tout honneur, alléluia, le fric, je tourne en rond depuis, alléluia, alléluia, tout bien, tout honneur, you are perceiving at last the last things of him. Alléluia, alléluia. Think great events it is for me, for your own little person. And Cupid too you are. Lâchez prise, laisse aller et lâchez prise, laissez aller. How many I be, cause that's what matters now. So being so be it is a bad witch. Consequential self of a wannabe. How may I be? How may I be? So you never forget not to forgive yourself for forgetting. So what? So what? So what? So what? So so what? What are you doing? You choose lonely self. anything. It's not like another. But anything you c'est do. Toujours la même chose que l'on fait. You don't seem to know what I'm meaning. En travers at de la this gorge, time je vois la nomenclature dorée se profiler le long du four crématoire. You choose it against that or acidulé. Is it the other way around? Ou prends du lait de soja par exemple. Is it the other way around? C'est plus digeste. Is it the other way around? Digeste. It's just a gesture. C'est une joute. It's a fucking jout. It's a jout. I got plenty of blood up my ass. Can I get it out of there, please? It's horrible. It stings. I know where it's stinging. Comes from. And there's more where it came from. I don't want to know. I don't want to know. I don't but give you a fuck. Do. That's why I'm the boss you here. You know too well. I don't give a fuck. Sting. You know too well. There's I know nothing. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. Car c'est l'enfer. Je ne veux rien savoir. L'enfer, c'est sur terre. Et c'est ainsi la vie. La vie, c'est la merde. Va au fragment. Fragmenté, parcellaire, des morceaux de rien. Je ne veux rien rince savoir. Cochon. C'est ça le tout. Dis la vie. Je suis pas d'accord. Fais la parole. Je suis pas d'accord. Qui fait l'être. Parcellaire. Je vais encore rien dire. J'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai. So that's what I mean. Je ne vous dirai rien. Availability is only part of the problem. La bêtise humaine. Solution. La mort. Thing. La chose, cela. Tu es aussi cela, Shrivastu, tu sais. Qu'importe. J'en ai rien à foutre non plus. Et c'est ainsi. Jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Passe le ballon dans le four. Vas-y, mets-le dans le goal. Tu ne peux pas dire que le temps. C'est de l'argent. Tu ne peux pas dire que le temps. C'est cool. Se couvre, tu ne peux pas dire que le temps. C'est cool. Avec tact, contact, le tout temps, d'abord, c'est de cool. Prime abord. On ne peut pas dire que le temps, c'est cool. Mais non. Tu ne peux pas dire. On ne peut pas le dire. C'est cool. Tu ne peux pas. Qu'importe. Contact. On ne peut pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Pas. Et c'est ainsi. Tu ne peux pas le dire. Mais non. Tu ne peux pas. Que la redondance n'offusque point. Le dire. Jusqu'au rire. Qu'importe. J'ai un geste à transmettre à l'auriculité. Et c'est ainsi. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mon doigt. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est toujours la même chose. C'est ainsi. Je tourne en rond depuis. Jusqu'à la fin. Mon doigt. Les inazures, c'est ainsi. C'est toujours la même chose. C'est toujours jusqu'où la même chose. Jusqu'où c'est ainsi. C'est toujours la même chose. Jusqu'où mon doigt. Les inazures, c'est ainsi. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Jusqu'où c'est ainsi. Toujours la même chose. Jusqu'à quand. Jusqu'où mon doigt. Pour toujours. Les inazures, c'est ainsi. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est l'enfer. L'enfer. Jusqu'à quand. Car l'enfer. Ça fait chier, putain. Pour c'est toujours c'est merde c'est où c'est toujours yes la même chose. Passe-moi une bière, sinon je m'éclate par terre. Pour c'est toujours c'est merde c'est où c'est toujours yes la même chose. Passe-moi une bière, sinon je m'éclate par terre. Pour c'est toujours c'est merde c'est Buisance yes sur Canal Sud. Passe-moi une bière, sinon je m'éclate par terre. Pour toujours, merde, c'est Buisance. C'est une bière, Canal Sud. Un vin. Passe-moi une bière, sinon je m'éclate par terre. Quelque chose quoi. Pour toujours, merde. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une bière, tu ne nuiras pas aujourd'hui, Al. Un tais-toi. Passe-moi une bière, sinon je m'éclate par terre. Tais-toi, Al. Quelque chose quoi. Tu ne nuiras à personne après ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu es aussi ça, tu sais, Al. Al-la. Tu es aussi cela. Cela-là. Là. Tu vois ce que je veux dire, là ça. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu es aussi ça, tu sais, Al. Al-la. Tu es aussi cela. Cela-là. Là. Tu vois ce que je veux dire, là ça. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu es aussi ça, tu sais, Al. Mais t'as vu ce que tu dis, là? T'es en train de dire que là, c'est mieux que ce, peut-être. Tu sais pas ce que t'es en train de dire, en fait. Tu sais rien, tu dis rien. C'est toujours la même chose, Al. Anunzio, arrête. Ça vaut pas la peine de vivre. Suicide-toi, merde. Suicide-toi, merde, putain, merde. Anunzio, arrête, ça vaut pas la peine de vivre. Suicide-toi, merde. Suicide-toi, merde, merde, putain, quoi. Merde. Vas-y. Anunzio, arrête, s'il te plaît. Ça vaut pas la peine de vivre, s'il te plaît. Suicide-toi, merde, s'il te plaît. Suicide-toi, merde, merde, putain, quoi. Merde. Please, pretty please, with a cherry on top. S'il te plaît. Ça vaut pas la peine de vivre, s'il te plaît. Suicide-toi, merde. Merde. Suicide. Mauvaise nouvelle. Merde, quoi. Il va vivre. Je vais vivre. Je vais vivre. Merde. C'est mauvaise nouvelle. Connard. Je vais vivre. Je suis un connard. Merde. Plein merde, mais il va vivre. C'est l'enfer. J'ai une nouvelle et... Une bite ? À vous annoncer. Non. Il va vivre. Oui, c'est vrai. Faux. L'enfer. Il va vouloir mourir, mais ouais. Il va vivre. Ah, je sais, ouais. C'est trop marrant, d'ailleurs. C'est drôle. Il vit. C'est trop drôle, quoi. Franchement, la vie, c'est drôle, quoi. Il va vivre. Ah, il tourne en rond depuis. C'est trop marrant, d'ailleurs. Il est venu au monde, il vit. Il veut mourir, mais il vit. Et il vivra. Il ne mourra quand il cessera de vivre. Pas aujourd'hui. Pas ce soir. Pas ce soir. In a bottle with some ketamine. That's the future. The future is in the ketamine. Can you read my future in ketamine, please? You're gonna get it. Lis mon avenir dans That's la ketamine. De la ketamine. Ketamine. Ketamine. Ketamine. What do you think about that? Ketamine. Ketamine. Ketamine. Ketamine. Hey, didn't you bring your guitar? Ketamine. I'll make me some music. Didn't you bring your guitar? Guitar. Sitar. Guitar. Sitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. David guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Guitar. Depuis, je tourne en rond. Depuis, ça m'a foutu des boutons. Sur le front. What? Et sur les nichons. Damn. Depuis que j'ai perdu mon slip. Rose. J'ai des boutons roses. Préféré sur l'abcès droit gauche de mon Mon prépuce sans cul, ton sang presse. De te c'est bousculer, elle s'y presse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. S'y presse dégueulasse. Sur ton prépuscule. Tout petit, ton prépuscule. What? Quand vient la nuit, toujours rien dit. Quand vient la nuit, il a rien dit son prépuscule. Time I go home. Se fait de plus en plus ridicule. Messages. Son prépuscule. Le pain, ce petit bidule. You're gonna get it. Il a la nuit. Smoke it. Get it. What? Ah, alors qu'est-ce que vous faites là? Ah, ma stop. De la radio là ou. Vous roulez un joint? Mais c'est quoi, c'est dégueulasse, c'est interdit par la loi, qu'est-ce que vous foutez là? Allez, dégagez. La musique, on l'emmerde. Elle nous fait chier la musique. C'est toujours la même musique avec elle. La musique, c'est weak. C'est la nique la musique. Moi, ce que je veux faire, c'est du bruit. Du bruit, t'entends? Tu m'entends, Al? Ferme ta gueule. Le bruit, oui, c'est le bruit. J'aime le bruit. Mort il y a 3 millions d'années. Quoi tu me parles dans ma tête? Raon, fils du chaos. Va chier. Je suis ton père. Et ta merde à la fois. Et putain j'en chie merde. Alors fermez ma gueule. Sale keuf. Le fascisme est déraison. Nuisance, c'est la nuisance, c'est le fascisme déraisonnable. d'une situation incompréhensible. Complètement stupide. Espèce de stupide espèce. Mécréant. Pervers, pernicieux, prévaricateur de fausseté, prêcheur de fausse vérité, des menteurs, des menteuses, c'est tout. La mort, y'a que ça de vrai. Non mais t'as fini, sale fasciste. Non mais c'est pas la mort qui est important dans la vie, c'est la vie. La mort, on l'encule. Ouais, c'est ça, ouais. Essaye toujours. Ouais. Toujours la même chose avec moi. Ouais. La mort, y'a que ça de vrai. Le sexe, la mort, la merde. Le sexe, je l'encule. I piss on shit. Le sexe, la mort. La merde. Le sexe, la mort, come. Ouais, le sexe, la mort, la merde. La mort. On l'encule. La mort. Le sexe. On l'encule. La merde. Dieu. On l'encule. Le maître. On l'encule. Le patron. On l'encule. Et tout ça, c'est des enculeurs de mouches. Et nous sommes des mouches éclatées par des toutes petites bites d'espèces humaines qui puent la merde. La merde. Noire. Inanimée d'une mort. Disgracieuse. Avilissante, mais on se chie dessus, merde! C'est la fin! La fin du haricot! Étais-tu marié avant de mourir? Ça va alors! Comment? And I've been in comment? Give me shark treatment! And I've been in. I need shark treatment! Et la merde, elle est noire. Serait-ce du racisme anti-blanc? Car la merde noire, l'obscurité nous a volé notre blancheur. Du racisme anti-blanc, c'est dégueulasse. En ce pays démocratiquement free et libéré de toute pudeur, de tabou nomenclaturant, les antéchrists archétypes, les premiérités. Le premier français était un con. Et sa femme a fermé sa gueule. Say that again. Toutes des merdes. Say that again. La France, say c'est vive. Again. Repeat it. Je préfère la mort. Repeat it. Repeat it. Je préfère la mort que la repeat France. Repeat it. France, la nation française, that c'est de la merde. Say tous that les gens qui croient again que la nation française c'est bien, c'est de la merde. Say that again. Et ben c'est des merdes. Repeat it. C'est des merdes ces gens-là. C'est de la merde la France. La France, c'est comme la Gaule. On s'en fout. On s'en tape complètement des frontières de merde et des cheveux des gens et de leurs moustaches ou de leurs poils au cul ou dans leurs oreilles. Non, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Aïe. C'est dégueulasse. La radio est chaude ce soir, 92.2, canal sud sur nuisance.com. C'est dégueulasse. C'est né dégueulasse. On est né dans la fange et on mourra dans la fange. Impiété. Pas de filialité avec toi. Archétype, nomenclaturant, toujours le stéréotype. Nomenclature, ah, t'aimes bien ce mot-là. Tergiversation aussi, j'aime bien. Ouais. La merde, c'est la merde. Tergiverser. Nomenclatura. Nomenclatura. Nomenclaturance raturée. Nomenclatura. D'une fausseté. Pire en pire, la rue mon empire. La loi c'est du hyper silence dur. Ouais, de pas vivre comme une ordure. La corruption. C'est super dur de pas prendre son bif quand on peut. La corruption. Je donne des gifs si je veux. Mais attention, traverse le riff, ramène du shit. Corrompu ici par les parents. vicié par une société corrompue de corruption. L'attente. You come in. Ne suffira pas. You come in. Ne suffira pas, l'attente. L'attente, elle ne suffira pas. C'est pas parce qu'il est pédé qu'il faut le tuer. C'est parce que t'es mort déjà que t'es mort du nez. Stupid is. Tu peux plus taper. Tu peux plus taper ta quai. T'es dégoûté. Taper ta quai. Taper ta mère. Ok. Ma mère, si tu veux, je m'en fous. Ouais, je préfère, ouais. Ouais, si tu veux, taper ma mère. Get it, get it, get it. Tape-toi ma mère. Dégueulasse, ouais, gros, dégueulasse. C'est pas une nazie. C'est une nazie, ma mère. C'est ça, ouais, je me dis. Elle est nazillarde. Elle mange du chat. Elle a un gros nez comme moi. Et elle mange du chat. Et c'est ma grand-mère qui mangeait du chat. Ah, c'est ta grand-mère qui mange du chat. Des bouffes pour chat, c'est moins cher que la bouffe pour humain. Ouais. Get it, get it, get it. Eat shark. Some cat food, some cat meat, some cat. Give me shark treatment. I need shark. Some cat treatment, some cat treatment. Chocolat. Every day, some cat treatment. Smoking meth in the block, hitting cats with the gas. Crystal meth. Don't yo. Crystallize, man. Don't crystallize, woman. Don't crystallize. No, don't do it. Don't do it. Smoking don't meth in the block, hitting stop cats. Stop. Gas. Don't do crystal. Don't do crystallization. No, you must not crystallize. Yeah, it's crystal. Let's not crystallize. We get it, must get not. Get it. Crystallize. Coming up. Crystal. C'est dégueulasse. La pollution. What about that? La pureté de la pollution, oui, la race pure. Crystal pollution. Pollution. La solution. C'est one pinale. To one two. La solution, c'est pinéale. That's la glande. Some good music. J'ai les glandes pinéales, merde, qui font chier. Normal. Wait. Are you coming? Are you getting it? Yeah. Are you speaking about something that I could maybe get into my understanding? Well, I don't know. Why you don't know, but bitch? There's no motherfucking beat. I don't want. Please do play some music. I don't want to be music, I want to be noise. Noise. Je veux des noises. Damn, some noisy bastards. Je veux des noises. Des noisettes. De grosses noisettes. Broyé par un casse-noisette en verre. En fonte verre. Véridique. C'est tout véridique tout ça. Yes, play some music. Please do. KLM. C'était pas la GM. Ouais, ça va. Salut. Je m'appelle Al. Obligé de bédap. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, je suis un patron. Je suis teubé, je suis un patron. Je suis un gros beauf, j'ai du fric. Oh yes, please do. Mon précieux trésor. C'est le Bidjouflu qui me l'a volé. Eh ben non. Ton précieux trésor, c'est toi-même qui te l'a volé. Ouais. T'es vénal. Please do sing. T'es un vénal, Al. Alal, vénal, Al. Fatigué, affalé, à cause de toute la merde. Albar. Fais-moi boire. Albar. Il faut que je me souvienne. À la barre. Parce que c'est que c'est. À la wa. Bavé de la gerbe. N'importe quoi, wak bar. Dans ma guitare pourrie qui fuit. Ma guitare rouillée. Ergonomie. Tu vas te faire railler. Que de la merde. Railler. De la liste et casse-pieds d'enrayer. Peut-être pas c'est réussir non. À continuer. C'est ne pas faire. C'est ridicule et avili. Tu vas peut-être reculer. Le sang. Car qui le sait cool. Personne. Tel un coulement. C'est lorsque ton téléphone sonne qui découle. Que tout d'un coup d'une plaie. Tu te rends compte que tu n'es en contact avec personne. Purulence même. Que c'est alors vérité là. Que se passe-t-il? Mais salaud, salis, cela, là, cela, la lassitude. Mais laisse-les salir sur ce. Même salut. Que ce que je dis. C'est bien vrai. Sûr que non. C'est vrai. C'est pas si facile. C'est vrai. C'est pas si facile de c'est, voir. C'est pas si facile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Tu sais, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Tu sais, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile de se libérer. Non, c'est pas facile. C'est même pas possible en fait. Donc laisse tomber quoi. Mon cul, ouais. Les femmes sont emprisonnées c'est comme les hommes d'ailleurs. Dans une merde noire. Je suis pas raciste. J'aime pas ça. La merde noire, ça me fait chier. Ils ont cul leur de mouche. Femme noire, ouais, je vois ça, c'est libéré, c'est encore plus dur. Je pensais à mon cul à l'instant. Je pensais au tien, c'est au mien. Mais non, c'est trop qu'il y a dans ton cul. Qui est dur à libérer. Pollution sonore. Rime-t-elle avec Al? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pollue-t-elle? Real music. J'ai une dédicace à passer. Excusez-moi, les gars. Dédicace sur Canal Sud, on vous emmerde. J'ai une petite dédicace à passer. Représentant les gros schlagos. Pour les filles. Corps de Belfort. Place Belfort, ils sont là, ils sont quatre. Y'a Fanny, y'a Ulrich, y'a son coloc, j'ai oublié son prénom. Y'a Marie, y'a Manu. Vas-y, vas-y. Antoine. Ouais, ouais. Représente mes chutes, mais attends, mais c'est eux qui m'ont filé tout plein de rhum que j'ai pu avoir pour pouvoir boire. Alors représente merci, Belfort, merci, je sais pas s'ils écoutent merci. Encore, mais oh les oncules, et je vais leur jouer une petite chanson pour jouer. Pour faire jouer à tous Dizzy ou à tous ZZ. Ouais, je veux bien, allez, vas-y. Chers auditeurs, Canal Sud vient de se faire pirater par des musiciens de merde. L'abordage. C'est pas un comble ça. L'abordage. Des pirates se piratent eux-mêmes. And I've been in the same. Coming up, is that for real? Coming up, is that for real? Coming up. Motherfucking shit about what you're saying. And I'm coming up, coming up. This from the same motherfucking neighborhood. And I'm coming up, coming up. Coming up, is that for real? And I'm coming up, coming up. Where you coming from? Are you listening? To me, you're speaking. Coming up. I don't wanna know. Talking big. You don't wanna know if anybody's coming been up. Yeah, but they have been. Hey. I just don't wanna coming know. Coming up. Coming up. What you saying? Coming up. Just don't wanna know. Are you listening? I can't hear a thing. To my are you listening? I can't hear to me things. Damn it. Coming up. Damn it. I hate you. Coming up. Are you listening, my love? I hate you. Coming up. Starting. Are you listening? Love sucks. Stop. My love. Love coming sucks. Up. Starting. I suck love stick. Love sucks. Love doesn't have a dick. It's an angel. It sucks. Sorry, I didn't want to contradict you. Okay, let's all suck love's dick. You think love has no dick. I don't care about love. I hate. But it does, and it's been I'd rather hate. And it wants me to suck its dick. I'd rather be angry or hungry. I don't know yet. Let me think. Love has the biggest. Love, I hate. Qui sait vraiment qui c'est ici? Are you listening, my love? From my side, I'm listening. Well, I don't know what you're talking about. Is that real or is that fake? Really, really, really. Give me shock treatment. Give me shock treatment. Shock treatment. I need a shock treatment. Yeah. Shock treatment. Shock treatment. Shock, shock, shock, shakalaka. Boom, shakalaka. Are you loco? Ouais, donc je disais... T'as du mix? Mais en fait, c'est à peu près le mix que j'ai fait, mais il est très très dilué parce que j'avais plus grand chose. Mais ça devrait passer. C'est mixé. Pomme avec un peu, il devait avoir ça de... Ah, ouais. news, man. Eh ouais, c'est nouveau. T'as remarqué que news dans l'autre sens, ça fait man. Non, c'est ouais, mais... ouais. Allez, joue. Yes. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Yeah, yeah, yeah. J'aimerais essayer de me caler sur la rythmique qu'il y a derrière. Mais... ok, j'en fais une alors. Vas-y, fais un beat. Oonk, oonk, oonk, oonk. Ça va, ça? Salut. Oonk, tskunk, tskunk, tskunk. Oonk, tskunk, tskunk, tskunk, oonk, tskunk, tskunk, oonk. Coming, coming, coming, coming, coming. Shocked you. Shocked, shocked. C'est génial. Choupa Soup, c'est génial. Génial, Choupa Soup. Choupa Soup, c'est génial. Comment mais shark tweet. Mais shark tweet. Shark it. So shocking tweet, you know. J'adore ce que tu fais. J'adore ce que tu fais, mec. Est-ce que t'as une bite? Elle est très grosse. Ah super, c'est justement ce que je voulais savoir. Ah, t'es tellement gentil avec moi. Est-ce que tu veux me la mettre, s'il te plaît? J'adore ce que tu fais, s'il te plaît. Bon d'accord, je me tais maintenant. T'es pas venu me le frapper, tu sais, tu peux t'arrêter là, hein. Si, je vais te frapper comme la corde de guitare que je basse tranquillement et que je caresse alors que tu te prélasses entre mes cuisses dodues et que tu avales tout ce que la pluie fut. Le sperme, tu veux dire? Le gros sperme. Le gros sperme dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse ce que tu dis. Hein. Alors, puis tout à l'heure, je parle de merde et tout. Tu parles de sperme. Il faut savoir qu'il y a deux types de sperme différents. Caca boudin. En fait, il y a les scientifiques ont découvert dernièrement le super sperme. Le super sperme, en fait, était un sperme différent, du sperme naturel, créé par l'homme. Celui-là, il est issu, en fait, d'une évolution des testicules. Super sperme. Une très grosse. Jism. Une très grosse. Come. Arrêt de production de foutre. Spermatozoïdes. Foutre. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, lorsqu'il y a une très grande abstinence de fabrication, après, lorsque la fabrication est mutée avec des tables, mutée avec des tables, mais surtout mutante. Avec des électrons électroniques et qui magnétiques dans la tête, ça fait du super sperme qui n'est plus blanc mais bleu, contrairement à ce qu'on peut croire, et qui coule et qui en fait qui boue aussi. En fait, c'est un sperme. En fait, c'est un sperme. C'est un liquide spécial qui boue à l'air libre. Il boue l'urètre, c'est la merde. Je tourne en rond de pays. L'urètre, c'est la merde. C'est du rum pam pam pam. Ram pam pam pam. Rudolph the Red Nose. Bah, elle était vraiment très pourrie, ma dédicace à Place Belfort. Rudolph the Red Nose Reindeer. Vous voulez pas faire de dédicace à Place Belfort? Dédicace, j'emmerde les gens. On n'a pas le droit à foutre des dédicaces. Tu veux pas insulter les gens de Place Belfort? Canal Sud. Belfort, c'est de la merde. Les gens de Place Belfort sont des gros connards de merde qui ont rien à foutre à part se branler sur de l'alcool pourri. La France, c'est de la merde et ces Français-là, je les encule. Et le pire, c'est qu'ils se basent sur les allocs. Grave, ouais, la base, la cocaïne base, c'est sur les allocs que ça se prend. Et ça, c'est dégueulasse. On pourrait payer plus quand même, c'est cher, vous savez, ouais, la vie. Grave. Nose Dwayne Dare. Funny nose. Had a really shiny nose. Shitty nose. Holy, holy, holy, holy. The world is holy. All is holy. Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. Why did Rudolph have some shit up his nose? Sacré l'inconnu souffrant et l'inconnu souffrant magnanimité sodomisé. Rudolph the red-nosed reindeer had a really shiny nose. Da-ba-da-bum-ba-dum. Rudolph the red-nosed reindeer had a really fucking shiny fucking nose. Rudolph the fucking shiny reindeer had shit. A fucking shiny red nose. Shitty. Didn't he shit up his nose? That fucking shitty Rudolph. Fuck. We're gonna kill Rudolph with a beer. Can of beer. Really, I'm gonna drink the beer. Rudolph the red nose reindeer. There was a wildcat, dead wildcat next to it. It was a beer. Il y avait de la bière. Tiens, je vais la boire, la bière. Elle était pas entamée. Personne n'avait bu dedans. Par peut-être un lynx. Un lynx à tif. Parce que les lynx, ça a des tifs, vous savez. A very, very funny nose. Sperm. Sperm bank. His own red shiny nose. Up shock. His own, but what a shock treatment to Rudolph. Shock treat. Cause Rudolph. He's dead now. He just died. Stupid fucking Rudolph. Fuck Rudolph. Fuck the reindeers. Fuck Santa Claus. Fuck him. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisance. C'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Qui bat son vide. Nomenclaturant. Comme tous les archétypiques stéréotypes. Et tous les non-sens font de la partie une brève inémancipation complètement totalitaire. Nuisance. L'émission qui nuit au sens. L'émission qui nuit au sens. L'émission qui fait non sens. L'émission qui fait sens. Non. Les émissions de Canal Sud sont bonnes. Nuisance, c'est une merde, c'est tout. C'est l'exception qui confirme la règle. La règle bénite. Bonté soit la règle. La plaie même. Et la sagesse purulente. Fait silencielle. Comment tu peux dire ça? C'est dégueulasse. Non mais vous foutez de ma gueule, vous faites de la musique là les gens. Non mais arrêtez tout de suite, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'en ai marre de cette vie de merde. Vous voulez que je me suicide, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Vous voulez que je me tue, c'est ça? Eh ben non, je le ferai pas, voilà. On va tous mourir un jour. T'as l'air complètement flagada, mon gars. Flagada. Je le vois dans les yeux des gens. Ils sont flagada, ils en ont plus rien à foutre de la vie. Qui meurent, merde. De leur propre volonté, même, je dirais. Mourir, c'est bon. Mourir. Meurs, merde, c'est bon. De leur propre volonté, ouais. To die, bitch. To live. C'est bon, ouais. Mourir, c'est à se lever. Je tourne en rond sur nuisant. Ouais. Quoi. Ah mais c'est dégueulasse quoi. Vous voulez pas faire de la musique toute la nuit? Ah merde, d'accord. C'est con hein. Ok, bon bah on va arrêter hein, la musique hein, c'est la musique. Je tourne en carré. L'autruche a volé le nid. Vous m'entendez bien? Le nid. Carré. The Larch. À s'ensabler. Sveltesse. Sincérité. Jusqu'aux chevilles. Impossibilité de réagir autrement que par l'action. Bien qu'une autruche ensablée jusqu'aux chevilles. Déraisonnable. Merde. Et dans la galère. Nomenclaturante. Une autruche ensablée jusqu'aux chevilles. Tergiversée. Pas de poil qui pue à la main qui pue qui pue qui pue qui pue. There's no way out of nowhere qui pue to nowhere qui pue. There's nowhere qui pue qui pue way qui pue qui pue qui pue. But you smell so good. Qui pue qui pue qui pue qui pue. I love I hate I fuck. I shit. I finger. I linger. I die. I put. I sniff. I'm dead. You can talk. No, I cannot. Yes, you do. You liar. You're you liar. Utter. Menteuse. You utter. Elle est menteuse. You utter sounds. C'est une menteuse. Elle you m'a menti. Utter. You utter sounds. Elle m'a menti. No. Elle me déteste. Ils me détestent tous. No. Je no. les hais aussi. No. J'aimerais bien no. les voir mourir no. aussi. Mais d'abord no. moi. No. D'abord. No. No. No. Moi. No. No. No. No. Ils no. me no. Moi mort. No. Moi ou mort. Mort moi. No. Mort moi. Moi mort. Mort, moi, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, can love you, me, stand all of it, you know me, please. I need your thoughts, premier, please. I do make and love you, me, stand all of it. I need your thoughts, premier, I need your thoughts, premier, please. I do make and love you, me, I stand all of it, you know. You know, don't you alone, so vous voulez pas faire de la musique plutôt que du bruit tout le temps là? C'est vraiment des gamins. Non, c'est une blague, excusez-moi, continuez. I don't want no sympathy. I live to be hated. I love to be hated. You know, don't you? By me. I love so, maybe enough is enough. Maybe not enough is not enough, you know. I need your thoughts, spare me it, please. I do make and love you, me, as them, all of it, you know. After I have not noticed all, the last time. It's too much, not enough, not enough, right? After all, too much. It's too much. Franchement, not enough. Je suis pas forcément d'accord. It's not enough. So what's all of us? Sorry, you know. In the meantime, I need your thoughts, premier, please. I do make and love you, me, as them, all of it, you know. You know. You know, don't you? Have some sperm for me. I need a sperm bank right now. I'm in the sperm bank is open from morning 9 through 12. I would like would you like yeah, how many cc's of sperm and where would like you like them? 2 tons of sperm in my swimming pool after for my skin. I got two a really tons. Bad skin condition. Would you want it administered at once? I can throw myself in it. That's not the problem. It's oh. just I need a lot of it, you know, because I really okay. like the thing. I really like the stuff. It's like sticky and everything. And it smells like shit. Okay, okay, I got what I really, you need. I really dig it. You know? I got really what you sperm. Need. I got what you need. And it's good for my skin, you know. Dive into it. I'm already in there. I'm drinking it, actually. I'm drinking it through my asshole. Oh, and my it's God. Pretty good. I'm so jealous. Yeah, you know, you I better sell it. Be. I sell this stuff, but I could never, like, allow myself to freaking, it's, like, dive be, in it. Like be a waste did. Of money. Be a waste it's of so money. It's so beautiful what yeah, you're doing. It's so gross, you know. Life it's is so gross. It's fucking... I'd rather die, you know, with sperm something bank, you know? Would you? Yeah, oh, I will certainly dive sperm. Fuck. Banking. Oh, peut-être que je mourrai de bitcoin, mais soit peut-être de sperme. Ou de banque, peut-être. Peut-être de banque, de sperme et de bitcoin. Et dans le cul, toujours la même chose, ça pue la merde. Donc finalement, rien n'a changé, quoi. L'éternité, c'est pour l'éternité, et à tout jamais. On n'avait pas remarqué la différence la première fois. Mais maintenant, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe dans la tête des gens? Est-ce qu'on a remarqué que la dernière fois qu'ils étaient là, les gens, eh ben, ils étaient marrons. Marron clair. c'était pas des noirs. Pourquoi vous dites noirs? Ils sont marron clair. Autant être précis, quoi. Ou marron foncé. Ou un peu rouge de peau. Disons qu'ils ont des problèmes de peau, au pire. On peut dire des gens avec des problèmes de peau, on n'est pas obligé de dire des sales nègres. Je veux dire merde, quoi. Calmez-vous, mes frères et sœurs français, vive la France. Ah, ah, oh merde alors. Toi, t'es un chien, je te reconnais, hein, de la halle. Franchement, de dire des choses pareilles à une heure de grande écoute, je veux dire 10h, 11h15, 11h20 du matin, il y a des gens qui se lèvent avec des insanités pareilles, pendant qu'un mec est en train de se déblatérer comme un héros de la guitare, mais complètement stone, stonifié par une clope, une news, une fortuna, une fortune de fortuna. Oh, merde. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai coupé. Et je remets. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah non, non, mais on se calme, c'est la liberté ou ce pays de merde, il pue la gueule de merde, enfoiré. Je peux pas m'exprimer, j'en ai marre, vous nuisez ma liberté. Nuisance, c'est vraiment une émission de merde. Quelle connerie alors. La vie, c'est de la merde, y'a pas à chier, hein. Vraiment, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. C'est patriotique de fumer la drogue de notre pays. Alors je préfère me droguer plutôt que d'aller les péter les supermarchés. C'est bien avec mieux bien. Comme ça. Et puis ah. C'est patriotique. Non, je ne veux pas me la péter avec du fric. Je préfère largement être pauvre et con. Pauvre con, un pauvre ton, un pauvre con et ton, je suis une merde noire. Non, je ne veux pas me droguer, je préfère aller voter, c'est mieux pour ma santé, et puis c'est patriotique. Aller voter, je préfère voter. À voter. Fille mineure, à voter. Le, la mineure. Il a fauté. Si bémol, mi bémol, sol, ré, do, do, mi, sol, fa, ré, mi, sol, do, do, ré, mi, fa, sol, la, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Nuisance, ça pue le sens. Nuisance, ça pue du sens. Nuisance sur Canal Sud c'est bien. Nuisance, c'est de la merde. Nuisance, ça pue du sens. Et si vous écoutez de la merde, vous donnez de la merde. Et si vous faites de la merde, vous êtes de la merde. Nuisance, c'est de la merde. La merde, c'est nous. Et si vous écoutez de la merde, vous donnez de la merde. Et nous sommes tous de la merde, toutes de la merde. C'est de la merde, c'est nous. Nuisance, c'est de la merde. C'est vrai ce que je dis, hein? Hein, c'est vrai. Hein. Ouais, bah, tu passes-moi la bière. Passe-moi la bière. Hein, c'est vrai. Ouais, bah, tu passes-moi la bière. Passe-moi une bière, s'il te plaît. Passe-moi la bière. Petit bonhomme. Hein, c'est vrai. Ouais, bah, tu passes-moi la bière. J'ai envie de me bourrer la gueule, j'ai le droit, non? Passe-moi la bière. Petit bonhomme. Je vais bientôt mourir. Attendez-moi au moins ça. Je n'ai plus que bien temps. Attendez-moi au moins ça. Je suis bientôt mort déjà même. Si c'est vrai. Dis d'aller chercher ses yeux. Pour aller fumer. Si c'est vrai. Dis d'aller chercher ses yeux. Je viens à lui, viens, c'est chez moi que ça se passe, du côté de chez soi. Je viens à lui, viens, c'est chez moi que ça se passe, du côté de chez soi. Je viens à lui, viens, c'est chez moi que ça se passe, du côté de chez soi. La solitude d'une basse condition humaine. À rencontrer le fondement tion humaine. À rencontrer le fondement tion humaine. À rencontrer le fondement tion humaine. À rencontrer le fondement. Tion humaine. Making love you understand all of it, you know. Please. After all, too much is too much. Not enough, right? Okay. So what's to all of us, sorta, you know? In the meantime, I need your thoughts. Spare me it, please. I do make and love you, me, us, them, all of it, you have know, we all you know. Been together, don't you together laugh, so one time? Maybe forever enough is enough. Have we after ever been all too much together? Is too much. Together. Not enough. Right? Is it together, good so what's to be together? To all of us, so together, you know, together. I'm the meantime. I'm afraid I'm right. I need together your sucks. Thoughts. Spare me it, please. Together sucks. I do make and love you, me, us, them. Love all sucks. Of it, you together know, sucks. After all, too much is together too sucks. Much. Not enough. Right? Love sucks. So what's to I piss all on shit. Of us, sort of. You know, I'm we're the all meantime. Gonna die. I need your thought. Spare me it, please. I do make and love you, me, then all of it, you know. You know, don't you? I love so. Maybe enough is enough. After all, too much is too much. Not enough, right? So what's to all of us? Sorry, you know. In the meantime, I need you, though. Spare me it, please. I do make and I love you, me, and I'm over, you know. After all, too much is too much. Not enough, right? I need your thoughts for me, please. I don't make and love you, me, as I'm over, you know. I need your thoughts, spare me it, please. Vous écoutez la chrétienté en direct. Le pape est mort. Le pape est mort. Tuez le pape. Merde au pape. Le pape, c'est de la mort. Maybe. de la merde, c'est le mort du pape. Mords-moi le nœud du pape, c'est le nez. Le nez du pape est mort avec la cocaïne sur la tête. C'est dégueulasse. Ils ont tué le pape. Ils ont tué le pape. Ils ont tué le pape. Ils ont tué le pape. Ils ont tué le pape. Ils ont tué le pape. Sale sagouin de merde. Je suis dégoûté. Le pape est mort. Vive le pape. Not enough. Oh. Je suis dégoûté. I need your thought. Vive le pape. Sperm yet. Sperm yet. I need your thought. Sperm bank. I do make him love you. Yes, them all of it, you know. On va parler dans la micro, parce que la micro, elle a mis que gros, ne faut pas la voto. Je fais quoi? Qu'est-ce que s'il se passe? I need your thoughts, permeate, please. I do make love you, me ask them all of it, you know, don't you, I love, so maybe enough is enough, after all, too much is too much, not enough's not enough, right, so what's it all of us, sort of, you know, in the meantime, I need your thought, spare me, please, I do make him love you, me ask them all of it, you know, after all, too much is too much, not enough, it's not enough, right, so what's to all of a sort of, you know, I'm the meat of money, your thoughts, spare me it, please, I don't make him love you, me, as them all of it, you know, don't you, I love some, maybe enough is enough, after all, too much is too much, not enough's not enough, right, ooh, I need your thoughts, spare me it, please, I do make him love you, me, as them all of it, you know, after all, too much is too much, not enough's not enough, right, so what's to all of us, sort of, you know, in the meantime, I need you, that smash me, it, please, I do, I can love you, me, yes, all of it, you know, don't you, I love, so maybe enough is enough, after all, too much is too much, not enough is not enough, right, I need your thoughts, spare me, please, I do, I can love you, me, yes, them all of it. You know, don't you, I love so, maybe enough is enough. After all, too much is not enough. Too much is too much, not enough, it's not enough, right? So what's all of us, sort of, you know, in the meantime, I need you. I need you, yeah, for the US Army, yeah. Spare me it. Spare me your sperm for the US please, Army, yeah. I need you for please, the US Army, yeah. Please, I do me, no, don't you? Je te veux pour l'armée française. L'armée de terre qui déterre les cadavres. Maybe enough is enough. Ouais. Maybe enough is enough. After all, too much too is much too much. Too much is always too much, not enough, you know what I'm not saying. Enough. I need your thoughts, spare me it, please. I do. May, can I love you? May, yes, them all of it, you know. You know, don't you want love, so maybe enough is enough. Maybe enough is enough. After all, too much is too much. I need you for the US Army, yeah. I need you for the US Army, yeah. So what's all of us sort of, you know, in the meantime? I need you, Jewish people for the US Army, yeah. Plenty of them. I need your thoughts, spare me. See what I mean? I mean, no oh, shit. Oh. There's no way out. Je veux l'armée de l'air. Je veux l'armée de l'air, papa, je la veux. Pour Noël, tu veux l'armée de l'air? Tu te fous de ma gueule? Bon, d'accord. Je vais l'acheter pour toi, mais t'es vraiment mon fils préféré. There's no way out of nowhere. I need your thoughts, spare me, please. I do make him love you, me, yes, them all of it. You know, si je dis Sarkozy est un gros con, il est président. J'ai pas le droit de dire ça, c'est dégueulasse. Là, on m'entend grave. Si je dis Sarkozy est un gros con, on m'entend grave. C'est dégueulasse. Faut pas le dire. Merci, une connerie. C'est pas vrai. There's no way out of nowhere. There's no way out of nowhere. There's no way out of nowhere. There's no way out of nowhere. I need your thoughts, permeate, please. I do make and love you, me, us, them, all of it. You know. Tu l'as trouvé où dans mon cul? Tu vois où je veux dire? Non mais je ne suis pas ton héros, tu vois. Est-ce que t'as de la morphine, s'il te plaît, monsieur le policier? Pourquoi, t'as mal au cul? Ouais, grave, tu viens de me défoncer avec une ceinture. Vous connaissez le Pokémon métamorphe? Métamorphe. On n'est jamais trop élevé dans la vie. Morphine. Pour parler de transgenre, je trouve que tu t'y prends mal quand même, quoi. La morphine, ça n'a rien à voir, Al. Tu vas te calmer, mais ferme ta gueule, Al. Putain. Je te déteste. Mais tu sais, c'est pareil de mon côté. C'est la même chose, tu sais. Sauf que c'est un peu plus bizarre, c'est tout. Ah, et moi non, en fait. Jamais. Toi, tu vas te calmer déjà. J'arrive à faire mon geste préférence. Tu dis que le monde c'est impatient, mais c'est complètement faux. Le monde c'est la patience même que le monde. Le monde c'est amour, c'est gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Yo. Le monde c'est amour, gloire et beauté. L'amour et la beauté. Freaking fucking better than us, don't you see how people think? Amour, gloire et beauté. Écoutez-moi, je voulais vous dire quelque chose de très important. Non, ne dis rien, surtout ne dis rien, non. Je le dise. Non, ne dis rien, non. Merde. Merde. Merde. Je t'ai coupé au moment fatidique. À toute la place Belfort, à Gerbomaxique et Gerbomatique. Merde. Et qui me saute par le trou du pénis. Et oui, je jouis. Vas-y, rentre-moi dans moi. Ah oui, je prends toute la place Belfort. Et je me déteste. Je me déteste. Soit Antoine, que soit Manu, Ulrich et même Fanny. Ah oui, je vous mets tous dans mon urètre. Ça rentre et je jouis. Pénétrez-moi. Je vous déteste. Ah oui. Je vous déteste. Moi aussi, je vous aime. Et tu vas voir, Marie, je te trappe par les tétons. Je te fais de la fiction pendant des heures et des heures jusqu'à ce que tes tétons soient gonflés. Et là, j'y introduis toute la place Belfort. Toute la place Belfort dans tes tétons. Et on te baisse par les tétons. De tes tétons, et toi aussi, Ulrich, on te baisse par les tétons. Ah, merde! Ah, merde! Non, ne fais pas caca par les tétons. Merde! Ne fais pas caca par les tétons. Ne fais pas caca par les tétons. Les tétons. Ah, non, ne fais pas caca par les tétons. Ah, les tétons. C'est vous qui passe à la radio. Thank you so much for making me feel so much better. It's not your fucking job, so I wasn't expecting so much. Thank you. I love this fucking life. Thank you. Vous savez comment c'est né un poulet? C'est un tyrannosaure qui a baisé une autruche. Et lorsqu'il a attrapé, l'autruche ne pouvait plus courir. Il a attrapé. Et là, tu as explosé. You love that, don't you? You're feeling good, aren't you? Fucking pig. Here the fucking pig. He said his best. Ah oui, fais-moi l'amour par intraveineuse. Ah oui, injecte-moi du sperme dans les veines. Attends, ça fait mal, j'aime ça. People need to be fucking mean. Fais-moi une faciale avec ta seringue pleine de sperme. You're an ass. Yeah, that's right. Feel it.

Non mais c'est bon, vous avez pas fini ce bordel. Attends, je veux shut 5 minutes. Je reviens, vous êtes en train de faire des chants diphoniques tibétains mantraïsés par le Bouddha. Non mais vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule, c'est ça, vous me prenez pour un boudin. Vous me prenez pour Jésus, quoi. Je suis pas un boudin de Jésus, moi, merde. Moi, je suis Allah, Allah même, que je dirais. Up the ass the whole fucking time. The whole fucking time. I got a chin up my head. Up the ass. There's a chair in my head. The whole fucking time. I used to sit. The whole fucking time. The whole fucking time. I got a chin up my head. Have you seen the chinny chin chin on Piggy Pig Pig? The poofy wolf wolf. It turns me. Have you seen the chinny chin chin on the piggy piggy piggy on the wolfy wolf? The world is round. It turns me on. Je te permets pas, monsieur. Mais moi non plus. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là, nuisance? It turns me on. Canal Sud. Mais moi non plus. 92.2 FM. Canal Sud. Au Sud, on ne pratique que Canal. Canal Sud. On ne pratique que Canal au Sud. Canal Sud. Sud. Canal Sud. On ne pratique que Canal Sud. Canal Sud. Canal Sud. Sud. Canal Sud. On ne pratique que Lisas. Aujourd'hui. Canal Sud. Canal Sud. Sud. Sur Canal Sud. Sur Canal Sud. To become deaf. Sur Canal Sud. I don't need you to become deaf. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh, lordy. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. My lord. Kumbaya. Kumbaya, oh, my lord. Kumbaya. Kumbaya. Kumbaya. Oh, my lord. Kumbaya. Kumbaya. Oh, my lord. Kumbaya. Kumbaya. Oh, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Have you seen it? Kumbaya. Have you seen it? Kumbaya, my lord. Is it safe? Kumbaya. Never said. Est-ce que c'est sûr? My lord, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu sais ça, toi? C'est jamais sûr. De qui tu l'as appris? Kumbaya, comment tu peux savoir ça? La vie, tu vois. Parce que moi, j'apprends. Non, j'ai pas vu, non. De quoi tu parles? Est-ce que c'est sûr? Je vois la vie. Je vis. Is it safe? Vie. Is it safe? J'ai peur. Est-ce que c'est sûr? J'ai peur. Vie. Peur. Kumbaya. Je suis terrorisé même par la peur. C'est ce que j'ai de toi, l'autre peur. L'autre pauvre con que moi. Plus ou moins, je suis. L'autre peur. La salsa du démon. Oui. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. J'ai absolument pas envie de chanter, quoi. La salsa du démon. La salsa. Le démon. Regardez, ça me fait rigoler. Kumbaya, my lord. Kumbaya. My lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya, kumbaya, ele. Kumbaya, my lord, la kumbaya, my lord, in kumbaya. Kumbaya, my lord, la kumbaya. kumbaya, macumba, macumba, macumba, lord, macumbaya. Ça veut plus rien dire. Ça veut dire que le macou et que le kumba. To go forward, not looking to go anywhere. He's got rocks, and there are rocks everywhere. So there are rocks everywhere. So there are rocks just about anywhere. So you could get lost. Should I give my pen away just for fun, or should I keep my pen safe somewhere where nobody can find it apart from me? I do not know. I should maybe think a little. You could write a poem or a song with that pen. I could hide my pen on a piece of paper. You can sing it to me. Oh yeah, doesn't feel like much, but sounds fun. Or don't. Why would I sing? I can scream. You got a pen, you can write a song. Everybody's got a pen, everybody can write a song. I would rather puke my guts out than write a fucking song. I must be crazy or something. I'm so weird compared to others. Am I stupid or something? Am I weird? No, you're not stupid, how we love you. Am I weird? But you are very weird. You can tell me. Am I weird? Yes, you are weird. Yes, you are. Because I really hate music. But that's what we love about you. I really hate music, you know? Do you want us to stop? I hate music. Stupid. Hate music. I want to do hate music. I hate music. La musique de la haine. I hate music. La musique de la haine. La haine. La musique. La haine de la musique. I hate music. La musique de la haine. I hate music. La musique de la haine. La haine. La musique. La haine de la musique. I hate music. La musique de la haine. I hate music. La musique de la haine. La haine. La musique. La haine de la musique. Ah mais l'autre là, Elle arrive, elle se pose, elle a rien compris. Elle fait un dessin. Non mais une émission radio, pas pour dessiner. C'est pour faire des chansons. Elle arrive, elle se raconte des trucs intéressants. Mais une émission radio, pas pour dessiner. Est-ce qu'on a vu quelque chose se profiler dans l'horizon, genre un pâté de viande ou peut-être de l'agneau? Je vais accorder ma guitare en sol. Sol. Dieu, aidez-nous, aidez-nous. Dieu. Restons sur terre. Restons assolés. Non, il y a un démoniaque. There just might be somewhere here. Il faut la chasser à coup d'ammoniaque. Il faut qu'on se mette tous en cube et qu'on un ou su. We could together be in harmony. We have the choice. We can either be in harmony or dead. Les cons, ils sont cons, comme disait Brassens. Si on est con, on est con. Au moins, ça c'est sûr. Si on est mort, on est mort, c'est sûr. Si on est vivant, eh ben, c'est moins sûr, on est peut-être pas vivant en fait. On est peut-être mort déjà. Mort-moi le nœud. Mort-moi le nœud. Mort-moi le nœud. Si on mord-moi le nœud. Mort-moi le nœud. La merde, c'est moi. Puissance, c'est bien. Canal Sud, c'est top. Vous êtes géniaux, mais moi, je suis de la merde. De la merde. Vous savez, j'en ai rien à foutre. De réputation sur les ondes radiophoniques. Canal Sud. De m'associer. Nuisance. Sur les ondes sans prévention. Canal Sud. J'ai mauvaise fréquentation sur les fréquences. Canal se réverbérant. Nuisance. Nuisance. Canal Sud. Canal Sud, nuisance. On est dans nuisance sur Canal Sud. C'est nuisance. C'est Canal Sud, nuisance. Mon studio, nuisance. Sans déconner, j'ai chopé un cancer. Et là, il préfère les chatons. J'ai le syndrome des ondes. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est bientôt l'heure du crime. Vous écoutez. Et la crime est en train de venir, je les ai appelés pour nous balancer parce qu'on est plein de drogués, de merde aussi, de criminalité dégueulasse. Donc on va tous mourir et c'est pour maintenant ou jamais. C'est relou, hein. Et la crime est en train de venir, je sais pour... qu'il a laissé rentrer ce mec là. Vas-y, sortez-le là. C'est dégueulasse. Il n'y avait pas de crème dans le café. C'est dégueulasse. Je suis un rebelle. Je suis subversif et contre-culturel. La culture, je l'emmerde. La contre-insurrection, on la brûle. On prend la contre-insurrection, on la retourne et on la brûle. Comme une merde. Yak. La bouse de Yak, je la prends, je la retourne et je l'encule. Comme toutes les bouses. Oh, mais je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort. Pas grand monde. Sur les ondes, je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort. Pas grand monde. J'ai mauvaise réputation. De rondes adjectifs. Je ne fais pourtant de mal à personne. Objection. Sur les ondes. Votre malheur. Le vendredi soir, quand il prend, je passe à l'heure d'adieu. Et puis je fais du malheur. Et je fais du malheur. Et pourtant, ce serait moins démisant. Et puis je fais. Et vive la France. Vive la France, c'est libre, arrête. Vive la France. Sans prétention. J'ai dit adieu à l'émission. Au ghetto, sans prétention, je dis des gros litrons. J'ai dit adieu à l'émission. Tu es une bien jolie chemise. Et ma chemise, vraiment. Mauvaise fréquence station. Cette station vu Dieu émet des fréquences qui dans ne sont pas bien recommandables. J'ai vu Dieu dans une salade verte. Attention, votre santé, chers auditeurs. Et Dieu, c'était une salade verte. Il se pourrait qu'après cette émission, tu meurs. Et tu sais ce qu'il y avait sur la salade verte? Il y avait une limace. Tu vas crever si tu continues de cette émission, écoutez. Une limace de merde. C'est pas du brassin, c'est du brasson. C'est de la bouse de yak. C'est de la bouse. Qui brûle. Qui brûle. Même pas de la purée. Ce soir, on vous met le feu. Ce soir, on vous met le feu de yak. C'est bien gaffe parce que si le beurre de yak, ça brûle. La date de péremption est dépassée. Le beurre de yak, ça brûle. Tu risques de te retrouver avec une bombe à retardement. Ça brûle. Et ça, oui, c'est ça. L'émission, elle éclate. Attention à toi, cher auditeur. Machine ou de la Nuisance, c'est fini. Canal Sud, ça commence. Parce que Nuisance, c'est la fin de tous les temps. Et à chaque fois que je dis ça, j'en ai rien à foutre. Passez une bonne soirée à l'écoute de Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, l'émission qui nie au sens, l'émission de tous les non-sens, l'émission qui n'a aucun sens. De fréquentation. Trois fréquentations. Quatre fréquentations. One Mississippi, two Mississippi, go, go, go! Allez tous vous faire enculer! One Mississippi, two Mississippi, go! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire foutre! Foutre! Allez tous vous faire enculer! Nuisance, c'est fini! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire foutre! Foutre! Allez tous vous faire enculer! Nuisance, c'est fini! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire foutre! Foutre! Allez tous vous faire enculer! Nuisance, c'est fini! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire foutre! Allez tous foutre! Allez tous vous faire enculer! Nuisance, c'est fini! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous foutre! Allez tous vous faire foutre! Allez tous foutre! Allez tous vous faire enculer! Nuisance, c'est fini! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous foutre! Allez tous vous faire foutre! Allez tous vous foutre! Allez tous vous faire enculer! Nuisance, c'est fini! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous foutre! Allez tous vous faire foutre! Nuisance, c'est fini. Et tu te fais enculer. Foutre. Tu te fais foutre. Enculé. Enculé. to a memory. I kneel before a weathered steel. I invoke the scars to a memory. I pray to a memory. I utter the names I found weathered steel. I carry within me the soul of the Savior.